Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamezo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un bon week-end, même si la météo n'était pas forcément très au rendez-vous. Mais en tout cas, voilà, nous sommes plutôt en forme hein, pour commencer cette nouvelle semaine qui sera très courte pour moi, puisque je serai absente du 1er au 8 mai inclus. Donc on va être ensemble pour cette semaine, aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, en ce lundi 29 avril, on souhaite une bonne fête aux Catherines en l'honneur de Catherine de Sienne. Ça vient du grec signifiant pure. Elle est avant tout affective, le 2 et le 9 étant les chiffres émotionnels par excellence. Marquée par la lune, Catherine appartient souvent au signe astrologique du cancer et en a les principales caractéristiques. Imaginative, réceptive d'une intuition souvent impressionnante, elle est prise de magie et de merveilleux. Elle se montre impulsive, capricieuse, colérique, impatiente et il lui faudra des années avant d'apprendre à tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. De plus, trop pressée car passionnée, elle a tendance à vouloir mettre la charrue avant les bœufs et n'ira pas toujours au bout de ce qu'elle entreprend. Par ailleurs, elle est quelque peu bohème, fantaisiste et peut manquer d'organisation. En prenant de l'âge, son caractère s'affirmera, elle risquera même parfois de devenir tyrannique. Dicton du jour, caprice d'avril font tomber les fleurs et trembler les laboureurs. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale de la danse depuis 1982 en l'honneur de Jean-Georges Nevers, créateur du ballet moderne. Et dans les événements qui se sont déroulés un 29 avril, en 1624, le cardinal de Richelieu devenait ministre de Louis XIII. En 1945, les femmes votaient pour la première fois en France lors d'élections municipales. Et en 2011, avait lieu le mariage du prince William, duc de Cambridge du Royaume-Uni, et de Catherine Middleton, future duchesse de Cambridge. On va tout de suite marquer une première pause musicale avec Pink Martini et leur titre Kissas, Kissas, Kissas. Siempre que te pregunto si algún amor escondes y tú si siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo te sé esperando y tú contestando, quizá, quizá. Quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuándo? Y así pasa días y yo te sé esperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Martini avec leur titre Kissas, Kissas, Kissas sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 29 avril 1924, naissance de Zizi Jeanmaire, danseuse de ballet, meneuse de revue, actrice française. 1955, naissance de Kate Mulgrew, actrice américaine, connue pour son rôle du capitaine Catherine Janeway dans Star Trek Voyageur. Et depuis 2013, elle incarne Galina Reznikov, alias Red, dans la série Orange is the New Black. 1957, naissance de Daniel Day-Lewis, acteur britannique vu dans Le Dernier des Mohicans dans le rôle de Nathaniel Poe, Gangs of New York dans le rôle de William Cutting, Nine ou encore Lincoln dans le rôle d'Abraham Lincoln. 1958, naissance de Michelle Pfeiffer, actrice américaine vue dans Grease 2, Scarface dans le rôle d'Elvira Hancock, Tequila Sunrise, Les Liaisons Dangereuses dans le rôle de Madame de Tourvel, Batman le Défi dans le rôle de Selina Kyle alias Catwoman, Le Songe d'une Nuit d'été, Happy New Year, Malavita, Ant-Man et la Guêpe, sorti l'année dernière où elle incarne Janet Van Dyne, rôle qu'elle reprend d'ailleurs dans Avengers Endgame, actuellement au cinéma. Et elle sera à l'affiche également cette année du film Maléfique 2 dans le rôle de la reine Ingrid. 1969, naissance de Philippe Hermenot, ancien cycliste sur piste français, champion olympique de poursuite par équipe en 96, champion du monde de poursuite individuelle en 97 et 98, champion de France de poursuite en 92, 13, 14, 15, 16, 17 et 19, champion de France de la course au point en 96 et 97. C'est également l'année de naissance de Paul Adelstein, acteur américain connu pour le rôle de l'agent Paul Kellerman dans la série télé Prison Break et aussi en tant que Cooper Friedman dans la série télé Private Practice. 1970, naissance d'André Agassi, champion de tennis américain de 86 à 2006. Il a été bien évidemment numéro 1 mondial pour la première fois, c'était en 95. Il a gagné 4 fois l'Open d'Australie, 2 fois l'US Open, 1 fois Roland-Garros et 1 fois Wimbledon. Aux Jeux Olympiques, il compte une médaille d'or remportée en simple et il compte également 3 Coupes Davis remportées en 90, 92 et 95. C'est également l'année de naissance de Sheena Forbes, chanteuse américaine du groupe Pink Martini. Également naissance d'Uma Thurman, actrice américaine vue dans Les Liaisons Dangereuses dans le rôle de Cécile de Volanges, Robin des Bois dans le rôle de Dame Marianne, Pulp Fiction dans le rôle de Mia Wallace, Batman et Robin dans le rôle du docteur Pamela Isley, vue aussi dans Les Misérables dans le rôle de Fantine, Kill Bill volume 1 et volume 2 dans le rôle de Béatrix Kiddo alias La Mariée, alias Black Mamba, vue également dans Paycheck, Percy Jackson le voleur de foudre dans le rôle de Méduse ou encore Nymphomaniaque. 1972, naissance d'Anne-Sophie Lapix, journaliste française. 1973, naissance de David Bell, fondateur français du Parcours, connu pour son rôle dans Banlieue 13 et Banlieue 13 Ultimatum est vu également dans Malavita. 1974, naissance d'Angoune, chanteuse indonésienne. 1978, naissance de Bob et Mike Bryan, joueurs de tennis américains. On les appelle tout simplement les frères Bryan. Ce sont des joueurs de double, tous deux professionnels depuis 98, tous deux numéro 1 mondiaux. C'était en 2003. Mais il y a quelques petites nuances. Alors, notamment, il y a un droitier et un gaucher, mais également dans les titres remportés. Ils font équipe la plupart du temps, mais toutefois Bob Bryan a remporté 6 Open d'Australie, 5 US Open, 3 Wimbledon et 2 Roland-Garros. Quant à son frère, il a remporté 6 Open d'Australie, 6 US Open, 4 Wimbledon et 2 Roland-Garros. Ils comptent tous deux une médaille d'or et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, et à noter que Mike Bryan compte également en plus une médaille de bronze en double mixte, et tous deux avec les États-Unis, ils ont remporté la Coupe Davis en 2007. 1980, naissance d'Adrien Antoine, comédien français de doublage, voix française régulière de Chris Hemsworth, Ashton Kutcher, Adrian Brody ou encore Zachary Quinto, ainsi qu'entre autres l'une des voix de Channing Tatum. 1983, naissance de Megan Boone, actrice américaine, vue au cinéma dans Sex and the City 2 dans le rôle d'Ali, Sexy Dance 4, Miami Heat dans le rôle de Claire. Mais connue pour ses rôles à la télévision, tout d'abord dans Los Angeles Police Judiciaire dans le rôle du substitut du procureur Lauren Stanton, mais surtout pour son rôle d'Elizabeth Keane dans la série The Blacklist. C'est également l'année de naissance de Sam Jones, troisième du nom, acteur américain, vu à la télévision dans Les Experts, Urgence, Bones, mais on le connaît surtout pour son rôle de Pete Ross dans la série Smallville. 1985, naissance de Nora Hamzaoui, humoriste, comédienne, chroniqueuse française. 1987, naissance de Sarah Errani, joueuse de tennis italienne professionnelle depuis 2002, qui en simple a été numéro 5 mondial en 2013, une fois finaliste à Roland-Garros, demi-finaliste à l'US Open, quart de finaliste à l'Open d'Australie et 16e de finaliste à Wimbledon. En double, elle a été numéro 1 mondial. En 2012, elle a gagné deux fois l'Open d'Australie, une fois Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open, et elle compte 3 Fed Cup remportés en 2009, 2010 et 2013. 2007, naissance de Sofia de Bourbon et Ortiz, seconde fille du roi Felipe VI et de son épouse Laetitia Ortiz. En 1980, décédé Alfred Hitchcock, réalisateur américano-britannique à qui l'on doit beaucoup de succès tels que Fenêtre sur cour, Sueur froide, La mort aux trousses, Psychose ou encore Les oiseaux. En 2005, décédé William Bell, producteur et scénariste américain, créateur de la série Les Feux de l'amour. En 2007, décédé Georges Aminel, acteur français de doublage. Il a post-synchronisé en français de nombreuses vedettes parmi lesquelles Will Brenner et Orson Welles, mais aussi Sylvestre le chat ou encore Dark Vador. En 2012, décédé Roland Moreno, inventeur français, célèbre notamment pour avoir inventé la carte à puce en 1974. La même année, décédé Eric Chardin, chanteur français. En 2014, décédé Bob Hoskins, acteur britannique, vu dans Cotton Club, Mona Lisa, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Hook ou La revanche du capitaine Crochet dans le rôle de Monsieur Mouche, Nixon dans le rôle de J. Edgar Hoover, Stalingrad dans le rôle de Nikita Khrouchtchev, Coup de foudre à Manhattan, Danny the Dog ou encore Blanche-Neige et le chasseur. Et en 2015, décédé François Michelin, industriel français, gérant du groupe qui portait son nom, hein, de 1955 à 1999. Allez, tout de suite, petite pause avec la chanteuse Angoune et son titre La neige au Sahara. Tu veux de moi En Gaune, sur le 107 FM, un peu plus de 8h47, on fait un point météo. La météo. Eh bien aujourd'hui, ce sera du soleil avec des nuages, des températures comprises entre 5 et 6 degrés ce matin, entre 10 et 12 degrés pour cet après-midi. Mercredi sera une journée placée... Mardi sera une journée placée sous le signe des éclaircies, des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 12 et 14 degrés prévues pour demain après-midi. Mercredi, des éclaircies également, des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés prévues pour mercredi après-midi. Après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec la Coupe de France. La finale, c'était samedi soir. Et c'est Rennes qui a remporté le titre en s'imposant 6-5 après les tirs au but face au Paris Saint-Germain. Et en Ligue 1, Lyon s'est imposé 3-2 à Bordeaux. Amiens et Strasbourg ont fait match nul 0 partout. Angers et Reims ont fait match nul 1 but partout. Caen s'est imposé 1-0 face à Dijon. Lille s'est imposé 5-0 face à Nîmes. Nice s'est imposé 3-0 face à Guingamp. Saint-Etienne s'est imposé 2-0 face à Toulouse et Marseille s'est incliné hier soir à domicile face à Nantes 2-1. Marseille voit l'Europe s'éloigner de plus en plus parce qu'on arrive bientôt à la fin de la saison. Et mardi, Montpellier recevra le Paris Saint-Germain et mercredi, Rennes recevra Monaco. En Ligue 2, Nancy s'est imposé 1-0 face à l'AC Ajaccio et Metz s'est imposé 2-1 au Red Star. Et Metz est officiellement en Ligue 1 la saison prochaine. En Espagne, a été sacré champion d'Espagne ce week-end le FC Barcelone. A noté que le Real Madrid est qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, mais il faut vite que la saison se termine. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Zinedine Zidane, puisque le Real Madrid a perdu ce week-end contre le dernier du classement. C'est pas forcément très joli hein, pour le Real Madrid. Et en football féminin, notez que l'Olympique lyonnais s'est qualifié pour la 4e finale consécutive de la Ligue des Champions. Les Lyonnaises affronteront en finale le Barça. Un mot de basket en Pro B, la défaite de Nancy face à Nantes, 71-74. En National 1, défaite du Jet Vosges en play-down face à Lorient, c'était hier soir, 74-78. À noter qu'en NBA, en quart de finale, l'équipe de Boston de Yabusele mène la série 1-0 face à Milwaukee. Un mot de cyclisme avec Liège-Bastogne-Liège qui a été remporté par Fulsang. Julien Alaphilippe a terminé 16e. Un mot de VTT avec les championnats de VTT à assistance électrique. C'était à Épinal ce week-end. Côté féminin, a noté la victoire de Pauline Ferrand-Prévot. Et côté messieurs, la victoire de Jérôme Gioux juste devant Julien Absalon. Un mot de volley féminin avec le CAM Épinal qui a remporté son match hier. Et donc les filles vont donc monter en National 2 la saison prochaine. En Formule 1, Grand Prix d'Azerbaïdjan remporté par Bottas devant Hamilton et Vettel. Leclerc a terminé 5e. Très belle course. Hein. Et à noter que les autres Français, Pierre Gasly et Romain Grosjean, eux, ont abandonné. Un mot de hockey sur glace avec la double confrontation ce week-end pour l'équipe de France face à la Suisse. Une défaite, une lourde défaite, 6-0. Et à noter une victoire après prolongation, ça va faire du bien au moral hein, à nos bleus puisque le mondial approche et faut donc faire avec l'absence de Stéphane Dacosta, d'Antoine Roussel et de Pierre-Édouard Belmar. Ça va être compliqué pour nos bleus, mais on a confiance en eux et notamment en Philippe Bozon. Et à noter qu'en NHL, en quart de finale, l'équipe de Columbus d'Alexandre Texier a égalisé dans sa série 1 partout face à Boston. Et on termine avec du tennis. Le tournoi de Barcelone, a noté que Rafael Nadal a craqué en demi-finale contre Dominic Thiem. Ça se complique pour le joueur espagnol à l'approche de Roland-Garros. A noter que c'est Dominic Thiem qui a remporté le tournoi et il était opposé à Medvedev. Il s'est imposé 6-4, 6-0. Alors cette semaine, aujourd'hui à Munich, Humbert affrontera Daniel et côté féminin à Rabat, Parmentier affrontera Vanjutvank, Alizé Cornet se repose à Bogdan et Ferro à Minen. Voilà pour l'actu sportive. On marque tout de suite la dernière pause musicale avec Stone et Chardin et leur titre L'Aventura. ça que j'aime, chanter partout avec toi. Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en va. L'Aventura Stone et Chardin sur RGM. À presque 8h56, c'est déjà l'heure de dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, un épisode de Durablement Vôtre. À 11h, la Christoire du cinéma. Midi, la bulle de l'IA consacrée à Arc-en-Ciel. 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, Salut les 60 avec Gérard. 17h30, la rediffusion de la Christoire du cinéma. 20h, le calendrier de François. Minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA. Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.